traîne au ghetto. J'vois des frères guetta, bloqués au guettage. On veut la vida loca. Traîne au ghetto. J'vois des frères guetta, bloqués au guettage. On veut la vida loca. La compta burrasa hassa. J'veux le mandat d'Aaron, j'veux le cassa. Aller-retour à la cassa. J'veux pas ton bouche, j'veux les massa. Mandat des pauvres, faut garder la pêche. Elle veut les souffler, ça fait le pot de pêche. J'suis au check, plus chase, j'y pêche. J'ai des problèmes, personne ne repêche. Daniel, pour tout moi j'bosse tout, c'est connu t'as le best, pay un voyou. Bête sur bête, demande à Youyou. J'suis PC, ouais les gars j'vois flou. Jacques Daniel, pour tout moi j'bosse tout, c'est connu t'as le best, pay un voyou. Bête sur bête, demande à Youyou. J'suis PC, ouais les gars j'vois flou. J'traîne au ghetto, j'vois des frères guetta. Bloqué au guettage, on veut la vida loca. J'traîne au ghetto, j'vois des frères guetta. Bloqué au guettage, on veut la vida loca. Vida, vida loca. Elle me dit, je te connais, t'es un traficanté. Qui sont tes amis qui t'a fréquenté? Brunette de la Licante. Je suis marié, je veux devoir gander. Je prends les flamands, je veux le diamant, t'as reconnu le talent. On les pèse à tous, plutôt on est vaillant. D'argent propre, d'argent sale, braque au polyvalent. Ramène ton rappeur, poto, on le pêche. On scanne les stacks, poto, on le repêche. Fais des pompes, poto, garde la pêche. T'en vas par loin, gros boule, pot de pêche. Depuis tout à l'heure, je viens de Marseille, zère, je zère, la vue sur la mer. Elle me dit, moi je suis abonné, fais le signe vaillant, les jambes en l'air. Daniel, pour tout moi j'vois tout, c'est connu t'as le best, pas un voyou. Pète sur pète, demande à Youyou. J'suis pété, ouais les gars j'vois flou. Jacques Daniel, pour tout moi j'vois tout, c'est connu t'as le best, pas un voyou. Pète sur pète, demande à Youyou. J'suis pété, ouais les gars j'vois flou. J'traîne au ghetto,